1 Corinthiens. Chapitre 6. Nous revenons sur un sujet qu'on a déjà touché dans l'Épître aux Corinthiens et qu'on va retoucher un peu plus loin encore. Il y a toujours eu deux extrêmes dans l'histoire de l'Église. Toujours deux extrêmes. L'être humain ne peut pas s'arrêter au milieu du balancier. Il va toujours d'un extrême à l'autre. Parce que le milieu du balancier, c'est la perfection. C'est une image, là. Hein? Mais on a tendance à aller d'un extrême à l'autre. Et si vous avez le privilège un jour de lire l'histoire de l'Église à travers les siècles, vous allez voir qu'elle passe, mon gars, d'un bout. Puis là, tu te demandes comment ils sont faits pour arriver là. D'un coup, ça repart. Ça prend un siècle, des fois deux siècles. Ça revient complètement à l'autre bout, complètement au bord. Tu sais, mais comment on fait pour arriver à ce bord-là? Et ça repasse l'autre bord. Ça n'arrête jamais. Ça vient d'un bord ou de l'autre. Et nous, de mon tremblant, on ne fait pas exception. On fait partie de ce balancier-là. Ça ne veut pas dire qu'on balance tout en même temps. Des fois, nous qui sommes rendus sur l'autre bord, nous qui sommes rendus sur l'autre bord, mais on balance, tout le monde balance. Et un de ces mouvements-là du balancier, c'est, dans l'histoire de l'Église, il y en a qui vont mettre plus d'importance sur l'extérieur, qu'on appelle des fois communément les œuvres. Dans ce groupe-là, on pourrait embarquer les pharisiens au temps de Jésus. Et Jésus leur a dit, avec vérité, « Vous êtes donc beaux à l'extérieur. » Juste qu'on ne t'a pas demandé quelqu'un dit ça. C'est vrai. Ils étaient donc beaux à l'extérieur. Et ça fait partie de l'être humain. Il y a des gens qu'on regarde et qui sont donc des bonnes personnes. C'est ça, c'est notre façon de parler. Ils sont donc beaux à l'extérieur. Nous, on ne dit plus ça qu'ils sont beaux. On va dire qu'ils sont des bonnes personnes. Et il y avait l'autre extrême, ceux qui mettaient beaucoup d'emphase sur l'être intérieur. Dans ce groupe-là, au temps de Jésus, il y a eu les Sadducéens. Le groupe qui parlait beaucoup des choses spirituelles de Dieu, beaucoup de la vérité de Dieu, mais les actions ne suivaient pas. Donc, on avait toujours ces deux extrêmes-là. Des gens qui allaient d'un bord, mettaient beaucoup d'emphase sur l'extérieur, pas moins sur l'intérieur, parce que Jésus a dit aux pharisiens, à l'intérieur, c'est moins beau. Il dit, c'est comme une tombe ouverte. C'est un sépulcre blanchi. Blanchi, vous savez pourquoi il a dit ça? Pourquoi il appelait ça des sépulcres blanchis? Dites-tu qu'il sert? La coutume? Les Juifs, les Juifs ne pouvaient pas toucher à un mort. Ils ne pouvaient pas toucher à un mort. S'ils touchaient à un mort, ils devenaient impurs. Et quand ils étaient impurs, ils ne pouvaient plus aller au temple. Donc, les pierres tombales, et jusqu'à un sépulcre, on le blanchissait de chaud. On mettait du blanc. Vous êtes certain que personne n'y touche. Ah, voici, il y a un mort ici. On faisait le tour, ça allait par l'autre bord. Hop, il y a un mort par là, on faisait le tour. C'est un sépulcre blanchi. Tu parais bien à l'extérieur, mais à l'intérieur de la tombe, c'est la mort. OK? Et sur l'autre bord, Jésus a parlé des fois, il dit, vous dites des belles choses, mais vous ne le faites pas. Vous dites des belles choses, mais vous ne le faites pas. Donc, toujours les deux extrêmes du pendule. Jésus, lui, était au milieu. Il était 100% extérieur, 100% intérieur. Tout ce qui était à l'intérieur, il était à l'extérieur. Et tout ce qui était à l'extérieur, il était à l'intérieur. Je ne sais pas dans quel bout vous êtes, vous autres, ce matin. Avez-vous une tendance plus vers l'extérieur ou une tendance plus vers l'intérieur? Vous n'êtes pas au milieu, ça, c'est sûr. Il y a juste Jésus au milieu. On a tendance, des fois, à mettre plus d'emphase, paraître devant les gens. Ou des fois, on est des grandes gueules, puis on parle beaucoup, puis on dit qu'on fait des choses, mais on ne les fait pas. On est les deux extrêmes. Et peu importe qui nous sommes en déséquilibre ce matin. Nous sommes d'un bord ou de l'autre, et nous avons une tendance. Et la tendance plus grande chez l'être humain, c'est l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi on a une tendance à plus vers l'extérieur, l'être humain pécheur? Ça paraît, oui, c'est une vérité, oui. Les autres le voient, ça paraît pour moi, mais ça paraît aussi pour les autres. Mais il y a quelque chose de plus, là, plus profond que ça, un petit peu. C'est qu'on n'a pas de contrôle sur l'intérieur. On n'a pas de contrôle sur l'intérieur. Mais sur l'extérieur, on a un certain contrôle. Un certain contrôle. Mais sur l'intérieur, le péché, on n'a pas de contrôle là-dessus. Moi, j'appelais ça les belles promesses du jour de l'an. On veut bien des affaires, on dit bien des affaires, mais dans le fond, on le fait pas. On le fait pas. Hein? Le pécheur, il peut contrôler un peu son extérieur, faire paraître. C'est pour ça que toutes les religions du monde, si vous voulez regarder, ils prêchent sur les œuvres, sur l'extérieur. Hein? Mettez beaucoup d'enfants sur l'extérieur. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, pendant que tu le fais, tu as fait tes affaires. Tu as fait tes rituels, tu as fait tes sacrifices, tu as fait tes bonnes œuvres. Mais l'intérieur, moi, je ne le vois pas dans ton intérieur. Je n'ai pas peur de voir à l'intérieur de toi. Tu n'es pas capable de voir à l'intérieur de moi. Mais tu peux voir ton extérieur. C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, « Toi, tu regardes hein, ce qui frappe les yeux, l'extérieur. Moi, dit Dieu, je regarde... Hein, l'intérieur. » Et c'est ce matin, c'est un petit peu le problème chez le Corinthien. Les Corinthiens avaient une tendance, selon ce qu'on a vu jusqu'à date dans l'Épître aux Corinthiens, les Corinthiens avaient une tendance sur l'intérieur. L'intérieur. Savez-vous pourquoi? Chez les Grecs, il y avait une coutume ou une croyance qu'on appelle le gnosticisme. La gnose, on entend ça des fois, la gnose. La gnose, c'est la connaissance. Chez les Grecs, on disait, tu peux être très spirituel dans ta tête, puis le corps, ça n'a pas d'importance, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, tu pouvais être en relation avec Dieu dans ta tête, et ce n'était pas important ce que tu faisais avec ton corps. Parce que le corps, c'était mauvais. Le corps, c'était mal. Le corps, c'était appelé à rester ici. Le corps, c'était pas important. Donc, mais c'était important ce que tu connais dans ta tête. Ce que tu disais, ce que tu savais. Beaucoup d'importance dans l'intérieur, mais pas dans l'extérieur. Et cette croyance-là, chez les non-juifs, a rentré dans l'Église. Vous pouvez bien faire autrement. Hein? Quand ils se sont convertis, ces gens-là qui avaient cette croyance-là, ils ont rentré dans l'Église avec ce stock-là dans leur cœur, dans leur pensée. Et comme vous et moi, on devient des chrétiens et on peut pas tout laisser en arrière. Il y en a qui disent que toutes choses sont devenues nouvelles, mais en tout cas, je me suis aperçu qu'il y a une paquette de vieilles affaires que je traîne encore. C'est pas pour vous autres, mais j'entraîne encore des vieilles affaires. Des vieilles croyances, des péchés. Ma chair est encore là. Toute chose est devenue nouvelle, dans un sens, c'est sûr. Parce que je suis ressuscité, je suis un être nouveau avec Jésus-Christ. Mais il y a encore une partie de moi qui vit dans la chair, on sait ça. Et ces Corinthiens-là, ici, pouvaient être des gens très, très intellectuellement, sont très spirituels. C'est pour ça que Paul va leur dire, vous avez tous les dons. C'était très, très expressif dans leur réunion, c'était très vivant, des songes, des visions, du parler en langue, des miracles, il y avait toutes sortes de belles affaires qui se passaient à l'intérieur. Mais dans l'être intérieur, dans leur vie de tous les jours, ils ne pouvaient pas le vivre. Ils n'arrivaient pas à le vivre. C'était le péché. Le péché. Vous vous souvenez que Jésus a dit une fois aux pharisiens, vous dites que vous n'avez jamais tué personne? Moi, je dis que oui. Chaque fois que tu as haï quelqu'un, tu étais un meurtrier. Et je suis pas mal certain qu'on est tous des meurtriers ce matin ici. Tout le monde. On a tous haï à quelque part quelqu'un, n'est-ce pas? Jésus dit, vous êtes des meurtriers. Il dit, vous avez dit que vous n'avez jamais trompé vos femmes? Moi, je vous dis que oui. Parce que vous avez tous eu des adultères dans vos pensées. Donc, vous avez trompé tout le monde. Hein, vous savez, on a tendance des fois à mettre d'emphase sur l'extérieur. Ah, j'ai jamais fait ça! Jésus dit, ah oui? Avec tes mains, tu ne l'as pas fait, mais dans ta tête, tu l'as fait. Et moi, j'ai vu dans ta tête. Et ici, les Corinthiens avaient ce petit problème-là. Et Paul va les amener à faire face à ça. Et dire, non, il ne faut pas que ça se passe juste dans votre tête, ça. Il faut que ça se passe aussi dans vos actions de tous les jours. Il ne faut pas que vous disiez que vous êtes chrétien, mais il faut aussi que ça se voit dans tous les jours de votre vie. Il faut que les gens le voient autour de vous, mais le plus important, ce n'est pas les gens, c'est qui? C'est Dieu et nous, hein? C'est nous autres avec Dieu dans notre relation. Qu'est-ce qui peut vous convaincre que vous êtes un croyant? Ce que vous dites? Ce que vous faites, le dis-tu aussi fort? Ce que je fais, le dis-tu aussi fort? Si ça serait aussi fort, ça serait dans le milieu, hein? Ça serait dans la perfection. Parce qu'on en dit des belles choses. On en dit des belles choses, mais des fois, on a déjà à les faire. Des fois, on les fait, et vous avez déjà fait ça comme moi. Vous faites des choses très chrétiennes, mais à l'intérieur de votre cœur, c'est toutes sortes de pensées noires qui se passent. Avez-vous déjà été à l'église en train de chanter, puis il y a toutes sortes de cochonneries qui vous passent dans la tête pendant que vous chantez? J'ai déjà fait ça. Je vais le faire encore. Parce que c'est impossible pour nous d'arriver au milieu. C'est impossible. Et chez les Corinthiens, il y avait une autre petite facette différente que nous autres, on n'a peut-être pas dans notre culture, peut-être un peu moins, en tout cas. Je ne pense pas qu'on l'a dans ce sens-là. Chez les païens, il y avait une culture que dans leur religion païenne, la sexualité était très ouverte. Un homme pouvait s'en aller au temple, une femme, aller au temple et coucher avec le prophète ou la prophétesse. Et en couchant avec la prophétesse ou le prophète, ils étaient en relation avec les dieux. Ils étaient en relation avec les dieux. Et c'était très ouvert et très acceptable. C'est pour ça qu'on a vu à quelques reprises dans les Actes des Apôtres que les apôtres ont dit aux non-juifs, nous vous encourageons à vous abstenir des animaux étouffés qui faisaient partie de leur religion et de la débauche qui faisait partie de cette religion-là aussi en même temps. Nous vous disons de ne pas faire ça. Ce n'est pas parce que vous allez coucher avec la prophétesse que c'est correct. Voyez-vous, c'était, dans leur culture, c'était beaucoup plus ouvert que dans la culture des Juifs. Comme aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui plus jeunes que nous, c'est beaucoup plus facile pour eux autres, et dans leur tête, c'est quasiment inconcevable qu'on ne conçoive pas qu'ils peuvent coucher avec n'importe qui avant de se marier. Parce qu'ils ont été élevés dans une société où tout est permissif là-dessus, ce côté-là. Que c'est correct, c'est acceptable. Les professeurs le disent. Ma fille, une fois, est revenue de l'école, elle m'avait dit, « Papa, la maîtresse de l'éducation physique nous a dit ce matin qu'elle était lesbienne et que tout était bien correct. » On leur dit, carrément, ouvertement, c'est correct. Ceux qui ne se pensent pas, si ton père pense de même, si ta mère pense de même, elle est arriérée un petit peu. Elle n'est pas correcte. Nous autres, on est élevés, nos enfants, dans une société, dans un milieu social, où est-ce que la sexualité hors mariage est très acceptable. Et même encouragée. Je parlais avec un homme, il y a peut-être moins longtemps, qui était catholique. Il m'a dit, quand je me suis voulu me marier, le prêtre m'a dit, « Ben, c'est la don avant, hein? » Va vivre avec elle une couple d'années, d'être certain que tu ne t'engages pas pour rien. Imaginez-vous donc. On leur dit que c'est correct. Donc, s'ils deviennent chrétiens, moi je vois des jeunes des fois qui disent, si ils se convertissent ou si elles se convertissent, qu'est-ce qu'elle va vivre quand ça fait 10, 15 partenaires sexuels qu'ils ont avant de se convertir? Ils vont venir au Seigneur. Comment ils vont vivre ça? Parce qu'ils ne pourront pas laisser ça en arrière sur le bord de la porte en rentrant. Ça va les suivre dans leur vie. Ça va les suivre. Ils vont en subir des conséquences dans toute leur vie. Il ne faut pas faire croire qu'on peut pécher impuniment pendant des années et là, on va devenir chrétien puis oh, tout est fini, tout est beau, tout est correct. Ça ne nous fait plus rien. Ben non. Ça nous suit. Ça nous fait des problèmes dans nos vies de couple, ça nous fait des problèmes dans nos vies de famille, dans nos vies sociales, ça nous fait des problèmes parce qu'on traîne avec nous un bagage. Qu'on veut, qu'on ne veut pas. Et l'apôtre Paul, ici, va essayer d'encourager ces chrétiens-là, qui étaient les chrétiens de Corinthe, parce qu'ils étaient chrétiens, à leur dire pourquoi ils ne devraient pas faire ça. Pourquoi ils devraient fuir la débauche. Pourquoi ils devraient s'éloigner de cela. Pourquoi ils devraient vivre dans leur corps ce qu'ils vivent dans leur tête, dans leur esprit. Et on va voir ça ensemble, cette vérité-là, que le corps et l'esprit doivent aller de pair. On va lire à partir du verset 12, si vous voulez bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Excusez, il est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est à vous, en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc l'apôtre Paul ici leur donne quelques raisons. On va les diviser en trois. Des raisons pour qu'ils puissent emmener leur corps à vivre ce que leur esprit veut vivre. L'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises, pendant que vous êtes des chrétiens, vous allez avoir des combats entre la chair et l'esprit. Il dit, l'esprit, elle est bien disposée, mais la chair, elle est faible. Donc, dans votre esprit, si je vous demanderais ce matin, est-ce que Dieu vous permet de vivre dans la débauche? Vous allez tous dire, non, Dieu ne veut pas. Dans votre esprit, vous le savez. Vous savez tous. Et je suis convaincu, en plus de le savoir, vous voulez le vivre. Vous voulez en tant que chrétien. Vous désirez. Vous priez là-dessus, probablement. Pareil comme moi. Vous priez que Dieu vous garde loin de la débauche. Mais pourtant, ce n'est pas si facile que ça à le vivre. Pas si facile que ça. En 30 ans, j'ai vu rentrer dans mon bureau toutes sortes d'hommes et de femmes dans l'église qui avaient des problèmes avec la sexualité. C'était loin d'être exempt de l'Église. Et si vous entendez les grands hommes de Dieu à travers l'histoire et dans notre génération, les grands hommes de Dieu, je parle des chrétiens, et quand ils plantent, la plupart du temps, quand on le sait, ils ont planté dans deux domaines, c'est quoi? La sexualité et l'argent. C'est là-dedans qu'ils plantent. La sexualité et l'argent. On ne les met pas devant la télévision pour leur dire que c'est des comme si parce qu'on cantait une menterie. Hein? C'est vrai, quand ils mentent, c'est pas correct. Mais on les met quand ils font des choses extravagantes, qu'on pense. Et quand ils ont volé leur église, ou bon, qu'ils ont détourné l'argent des églises, ou bon, quand ils sont partis avec la secrétaire. Donc, c'est pas exempt. Et il faut se dire en soi-même, comme l'apôtre Paul va dire un peu plus loin dans Corinthiens 10, parce qu'on va revenir dans Corinthiens 10, on va encore parler de la sexualité, parce que c'est un problème chez eux. Il dit que celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Donc ce matin, si tu dis, c'est pas mon problème, tu te crois fort ou forte. Et c'est dangereux que tu tombes. Donc il faut mieux admettre notre faiblesse. Parce que quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Et l'apôtre Paul, il dit, premièrement, verset 12 jusqu'au verset 14, il dit, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes des croyants et vivre dans la débauche en même temps, parce que le corps est pour le Seigneur. Notre tendance en tant que chrétien, à cause de notre arrière-plan pécheur et notre arrière-plan catholique, nous avons tendance à aller du côté de l'extérieur, d'avoir l'importance sur l'extérieur. Et on a moins d'importance sur notre corps que sur notre esprit. Et l'apôtre Paul, il dit non. Il dit, votre corps ne vous appartient pas. Le corps est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur, le corps. Il dit, Dieu va détruire l'un comme l'autre, l'aliment et le ventre. Mais le Seigneur, au verset 13, est le propriétaire de nos corps, autant qu'il est le propriétaire de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Le corps, il dit, n'est pas pour vous, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Donc, il dit, le corps que vous avez, c'est pour le Seigneur qu'il est, autant que votre cœur et votre esprit. C'est un principe ici qu'on applique à la sexualité ou à la débauche, mais on peut l'appliquer dans tous les, vies dans tous les domaines de notre vie. Notre corps, de nous, est pour le Seigneur. C'est pour lui qu'il a été créé, pas pour nous. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il avait créé âme et esprit et corps. Et les trois devaient servir Dieu. Pas juste l'esprit. Mais il dit, les trois sont pour le Seigneur. Ils ont été créés pour le Seigneur. Mais malheureusement, le corps a péché, hein, aussi. Mais Dieu n'a pas juste sauvé notre âme, il a sauvé aussi notre corps. Il dit au verset 14 que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Ce matin, c'est ce que nous fêtons, la résurrection. Il a ressuscité le corps. Et souvent, quelquefois, quand j'étais jeune, je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as laissés dans ce foutu corps que nous avons? Pourquoi tu ne nous as pas ressuscités? En même temps, comme Jésus. Pourquoi qu'on n'aurait pas un corps ressuscité et qu'on vive sur la terre avec un corps ressuscité comme Christ? Et là, on serait des serviteurs parfaits! Parfaits! On serait parfaits! On dit, là, je pourrais te servir, mon ami, comme faux! Mais ça, je pourrais te glorifier mieux. Mais ça, je pourrais te louer mieux. Mais ça, je pourrais t'obéir à 100% et je pourrais tout évangéliser la paroisse! Je suis parfait! Pourquoi tu m'as laissé dans ce corps-là? Qui veut pécher tout le temps. Voyez-vous? Et il ne m'a pas répondu. J'avais juste la Bible encore pour voir ce qu'il voulait dire. Une chose est certaine, c'est qu'il m'a laissé dedans. Hein, ça, c'est sûr. Parce qu'il était encore là, avec le corps. Mais il dit, il a ressuscité le corps de Jésus-Christ. Et un jour, il va vous ressusciter aussi, afin que dans ce corps ressuscité, vous leur serviez pour l'éternité. Parce que dans le nouveau ciel, nouvelle terre, nous allons voir un corps. Alors, je me souviens toujours quand j'étais assis dans le jardin chez ma mère. On était assis tous les deux ensemble pour se balancer. Puis j'étais un jeune chrétien, il faisait peut-être un, deux ans, trois ans, je t'ai sauvé. Et on se balançait. Et je ne sais pas comment on est venu sur la discussion. Puis j'ai dit, c'était peut-être le temps de Pâques. Il y avait un barbecue, mais il faisait chaud. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais j'étais avec ma mère, là, puis d'un coup, on s'est mis à parler des choses de Dieu, des choses spirituelles. J'ai dit, maman, c'est peut-être en entour de Pâques. J'ai dit, c'est la résurrection qu'on fête. Et un jour, on va être ressuscité, on va vivre dans un corps nouveau. Elle dit, ça, elle dit, c'est surprenant que l'Église catholique, elle ne nous en parle jamais. Elle ne nous en parle pas de ça. Qu'un jour, parce que ma mère, dans sa tête, c'était comme moi quand j'étais catholique, on part, on s'en va au ciel, puis c'est juste l'esprit là, qui s'en va au ciel. Le corps, il s'en va en terre. On ne parlait pas beaucoup de la résurrection. Ils croient à la résurrection des catholiques, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Ils disent, un jour, on dit, on va servir Dieu dans un corps. Et sur la terre, sur le nouveau ciel, une nouvelle terre, dans un nouveau paradis, Dieu va nous mettre là, on va servir Dieu avec notre corps. Elle dit, c'est bizarre. Elle dit, on n'a jamais entendu parler de ça, nous autres. Et l'apôtre Paul, il dit ici, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et il va vous ressusciter un jour aussi. C'est où le problème? On va le voir au chapitre 15. Plusieurs chrétiens dans l'Épître aux Corinthiens ne croient plus à la résurrection. Ils ne croient plus à la résurrection. Paul va prendre un grand chapitre, 60 versets. Un grand, quasiment le plus grand thème de toute l'Épître. Il va leur dire la résurrection, et on doit y croire. Sans ça, on est perdu. Que ça, on est perdu. Ici, à cause qu'ils ne croyaient plus à la résurrection, le corps n'était pas important. Le corps n'était pas important. Donc, ils pouvaient vivre dans le péché. Mais il dit non, le corps est important parce que le corps est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur, ce corps-là. Il est là pour servir le Seigneur. Il y avait un homme qui avait dit une fois, « Je suis prêt à mourir pour Dieu, moi. » Son voisin, il a dit quoi? « T'es-tu prêt à vivre pour lui? T'es-tu prêt à vivre pour lui? » C'est donc spirituel de dire ça, hein? « Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. » Mais il dit, « T'es-tu prêt à vivre tous les jours pour lui? » C'est une autre histoire, ça. Deuxième raison, verset 15 jusqu'au verset 18, il dit « Parce que nous sommes les membres du Seigneur. » Il dit « Vous êtes les membres du corps de Christ. » Donc chacun de nous ce matin, on a un rôle différent en tant que croyant. Christ, la Bible nous présente comme étant la tête, hein, la tête du corps. Et nous sommes son corps, on appelle ça le corps mystique de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a un corps physique, il a un corps ressuscité, mais il y a aussi un corps mystique qu'on appelle l'Église. Nous sommes, nous maintenant, le corps de Christ. C'est intéressant de penser ça, hein? Nous sommes le corps de Christ. Et chacun pour sa part. Chacun d'entre nous, on est les yeux peut-être, ou le nez ou l'oreille, une main, un doigt, un coude, un bras. On est toute une part du corps de Christ. Et il leur dit, vous êtes les membres. Donc, si vous êtes les membres, si je suis un membre du corps de Christ, ça veut dire que Christ peut travailler seulement à travers nous. Pas de corps, il ne fait rien. Christ est en train de bâtir son Église sur la terre présentement à travers le corps, par le corps. Nous sommes, nous, ses instruments, c'est pour bâtir l'Église, son royaume. Il dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que c'est la tête, Christ, qui doit contrôler les membres. Il dit, vous ne pouvez pas juste décider de faire ce que vous voulez avec votre corps. Pas plus qu'avec notre esprit, d'ailleurs. Là, il leur dit, vous ne pouvez pas prendre les membres ou le corps, votre corps physique, aller coucher avec une prostituée, parce qu'en faisant ça, vous allez devenir, quoi? Une seule chair avec elle. Et en faisant ça, vous faites coucher le Christ avec la prostituée. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous êtes en train de faire coucher le Christ avec la prostituée. C'est une image, bien entendu. Mais tu ne pouvais pas faire ça, parce qu'il dit, vous êtes devenu un avec le Christ. Vous êtes un avec Christ, vous êtes membre du corps de Christ, vous êtes son corps, et si le corps couche avec la prostituée, c'est le corps Christ, Christ couche avec la prostituée. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me souviens toujours, un moment donné, il y avait un homme qui m'avait dit, François, c'est Jésus-Christ qui m'a conduit vers cette femme-là. Mais il était déjà marié. Il voulait maintenant se séparer de sa femme. Puis il voulait entrer en eau. Puis c'est Christ qui m'a conduit. C'est Dieu qui m'a conduit à faire ça. Puis il était convaincu dans sa tête que c'était ça la réalité. Je me souviens d'avoir lu avec lui ce passage-là. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu faire ça? Il m'avait répondu quoi, vous pensez, pour se justifier? Mais c'est pas une prostituée, ça. C'est pas une prostituée, cette femme-là. On ne peut pas, parce qu'il dit, vous êtes les membres du corps de Christ. Et cette semaine, en méditant sur ce passage-là, en préparant le serment, je me disais, est-ce que je donne toute la liberté à Jésus-Christ de m'utiliser comme il le veut? Est-ce que je me lève le matin en disant, Seigneur, je suis un membre de ton corps, fais de moi ce que tu veux, prends-moi, utilise-moi aujourd'hui. Si je suis une main, si je suis une autre partie du corps, est-ce que je vais te laisser m'utiliser? Parce que ça fait partie, il a payé pour avoir le corps que nous avons. C'est le troisième point, à verset du 19 et 20. Il dit, vous n'avez pas le droit de vivre dans la débauche parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Quel prix a-t-il payé pour avoir ton corps et avoir le mien? il a donné sa vie. Mais il est allé plus loin, il n'a pas juste... Il a donné sa vie, dans un sens, je sais ce que tu veux dire, mais aussi, il est allé jusque dans la mort. Il est allé jusque dans la mort de la séparation avec Dieu et son Père. Il a payé un prix qu'on ne peut pas payer, nous. Hein? On ne peut pas le payer, nous. Il a payé un prix très cher pour que, avoir notre corps, pour pouvoir s'en servir pendant qu'on est sur la terre. Et je crois qu'il dit au verset 19, « Nous sommes son temple. » Il est venu habiter en nous. Il dit, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans notre corps, et veut nous utiliser pour faire des choses, pour faire du bien à quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour évangéliser quelqu'un. Il veut nous utiliser pour faire de quoi? Afin que ces personnes-là puissent le connaître et l'aimer. Et être sauvé, et le glorifier, et le louer. Le temple appartient, verset 20, à celui qui l'a racheté. Et le temple glorifie toujours la divinité qui est dedans. N'est-ce pas? Il y a des temples. Si vous rentrez dans un temple, n'importe quel temple, vous allez voir dedans, en général, des statues de la divinité qui veulent exalter, glorifier. Il dit, vous autres, vous êtes le temple, et moi, c'est moi, si je peux dire ça comme ça, la statue, que je suis dans le temple, et le temple est là pour me glorifier, moi. Donc, il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il est en train de remettre, je pourrais dire, la pendule plus vers le centre, avec les croyants, les encourager à ne pas aller vers la débauche dans leur vie. D'abord, le corps, c'est pour le Seigneur qui a été créé. Et il a été créé une deuxième fois par la résurrection pour que le corps puisse un jour servir le Seigneur à 100%. Il dit, le corps, vous êtes les membres du corps de Christ. Et ensuite ça, il dit, vous êtes le temple. Vous êtes son temple. Il a payé pour vous avoir. L'apôtre Jacques a dit, pas l'apôtre Jacques, l'écrivain a dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Ici, donc, il s'adresse à un groupe qui avait tendance plus vers le être. « J'ai la foi, je crois au Seigneur, je suis sauvé. » Dans ce sens-là, puis là, Jacques dit aux chrétiens, « Mais sais-tu une chose? Si tu n'as pas l'autre bord, tu es zéro. Si tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle est Est mort. Il dit ça dans le verset plus loin. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, je ne peux pas avoir juste un ou l'autre. Il faut que j'aille les deux qui vont ensemble. Et quand les deux viennent à l'unition parfaite, je suis dans l'équilibre. Mais on va toujours balancer un peu, c'est certain. Mais on vise l'intérieur, on vise le centre le plus possible. Et il y avait le même problème dans 1 Jean, chapitre 1. La plupart des commentateurs de l'évangile de l'épître de Jean disent que Jean écrit à une église qui avait beaucoup de problèmes avec le gnosticisme que j'ai parlé tout à l'heure. Il disait, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. » Parce que les chrétiens de l'épître de Jean, il y a des gens qui disaient qu'ils étaient dans la lumière et qu'ils étaient des enfants de Dieu et ils marchaient dans leur corps, dans les ténèbres. Ils disent, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, ils disent, vous êtes des pécheurs, vous êtes des menteurs, vous n'appartenez pas à la vérité. Vous ne pouvez pas faire ça, ils disent. Donc, il essaie de ramener ces gens-là. Les gnostiques étaient tellement... Les extrémistes dans ce domaine-là, ils disaient que Jésus n'est jamais venu dans un corps. C'est pour ça que vous allez voir Jean dire, il ne croit pas que Jésus est venu en chair. Parce qu'il disait que la chair, c'est mauvais. La chair, c'est péché, donc Jésus n'est pas venu là-dedans. Il est venu dans une apparence de chair, mais il n'était pas charnel. Il n'était pas vraiment de la chair comme nous. Donc, pour nous autres, la chair, pas d'importance. Ça se passe tout dans la tête. Que ça puisse nous aider à ne pas séparer le corps de l'esprit. Pas le faire. et dire, mais ce que je fais avec mon corps doit refléter qui je suis à l'intérieur. Et ce corps-là, qui appartient au Seigneur, je dois le voir comme un membre, une extension de Christ. Et qu'est-ce que je peux faire pour le servir? Qu'est-ce que je peux faire pour le servir? Dans votre cœur ce matin, entre vous et Dieu, est-ce qu'on peut se dire chacun de nous, j'ai servi le Seigneur cette semaine? J'ai servi le Seigneur cette semaine. On a plus tendance à dire, Seigneur, viens m'aider. Mais c'est correct si on dit, viens m'aider à te servir. Mais pas viens m'aider dans le sens, viens me servir moi. Mais viens m'aider à te servir. Parce que je suis un membre de ton corps. Et je crois que la plus grande motivation que nous allons avoir, c'est de se rappeler qu'il a payé un grand prix pour nous avoir. Et c'est une des raisons pourquoi je crois que le repas du Seigneur est la plus grande source de motivation pour le chrétien. Plus je vais m'arrêter sur le fait qu'il est mort pour moi, pour me racheter corps et âme, plus ça va me motiver à vivre pour lui. Plus ça va me motiver. Il n'y a rien d'autre qui va nous motiver plus que ça. Ce n'est pas le fouet qui va nous motiver, ce n'est pas les menaces qui vont nous motiver, ce n'est pas la peur. Non. L'apôtre Paul, il dit quoi, lui? Il dit l'amour de Christ qui nous pousse, qui nous presse. Ce n'est pas la peur. Donc, puissons méditer sur ces vérités-là. Et quand on a une tendance, on a une tentation de pécher dans le corps, rappelons-nous que le corps que nous avons ne nous appartient pas. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci pour cette belle exhortation ce matin. Et merci surtout de nous dire que tu as racheté notre corps. Tu n'as pas racheté juste notre esprit. Et nous vivons avec l'espoir qu'un jour notre corps va être ressuscité. Et nous ne pécherons plus jamais. Nous allons pouvoir te servir parfaitement dans le nouveau ciel, nouvelle terre. L'étendant, nous admettons bien honnêtement, bien sincèrement que nous balançons. Nous n'avons pas la capacité de nous arrêter au milieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, que notre corps qui est ton temple, puisse te servir. Que nous puissions utiliser les dons, les talents, les capacités, tout ce que tu nous as donné, on puisse l'utiliser pour te servir. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint qui est en nous puisse nous convaincre, puisse nous éclairer notre esprit, notre intelligence dans les moments où nous avons les besoins afin de parler dans la débauche, Seigneur. Toutes sortes de débauches, spirituelles ou sexuelles, peu importe. Qu'il puisse nous convaincre de pécher et qu'on puisse se détourner, Seigneur. Et quand nous tombons, nous te prions que ce même esprit puisse nous convaincre que tu es bon et que tu nous pardonnes. Ce même esprit puisse nous convaincre que tu nous aimes parfaitement. Même si on n'est pas capable d'atteindre le milieu, parce que nous sommes accrochés à Jésus-Christ, nous sommes attachés à lui et nous espérons en lui seulement. Garde-nous, Seigneur. Et nous te prions toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Levons-nous, on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.